Le vif de l'histoire en écho à la présentation en Conseil des ministres de ce projet de loi confortant les principes républicains. Et cette vaste question, qu'est-ce qu'une nation? Qu'est-ce qui fait une nation? Alors Jean Lebrun, c'est un sujet ultra classique pour étudiants en Sciences Po, mais donc tout à fait d'actualité à l'heure où ce projet de loi arrive en Conseil des ministres. Et un grand historien, Jean, peut nous éclairer, c'est Pascal Horry. Alors Pascal Horry, il est d'abord connu pour ses travaux d'histoire culturelle. Ouais. Le Front populaire, la cuisine protestante différente de la cuisine catholique. Très c'est important bien. Cette distinction. Ça, ça sent une prochaine chronique. Protestantisme. Et bien, depuis des lustres, il a tenu séminaire sur le thème de la nation. Et il en sort un livre très ambitieux, nourri de ses séances, et composé, je vous rassure, d'histoires courtes. J'en extrais une qui concerne la vision de la nation qu'a imposée chez nous la Révolution française. Alors soit, au milieu du XVIIIe siècle, l'encyclopédie. Eh bien, la nation n'avait encore, dans le livre collectif de Diderot, qu'une acception faible. Une quantité de peuple qui obéit à un gouvernement. Peuple au minuscule, n'était pas même envisagé sa révolte contre une tyrannie qui aurait rompu le contrat passé avec lui. C'est pourtant ce qui s'est passé aux Pays-Bas, devenu une république dès la fin du XVIe siècle. La charge forte du mot « nation » en français vient donc plus tard, après que le roi Louis XVI, en juin 1789, a refusé la transformation des États généraux en Assemblée nationale. Nous sommes ici par la volonté du peuple, etc. etc. La souveraineté passe soudain au peuple. Et qui plus est, celui-ci intervient bientôt en chair et en os avec la prise de la Bastille. Ouais. Quand le roi se hasarde ensuite dans sa capitale, son carrosse est entouré d'un seul cri par les patriotes, « Vive la nation, nation égale peuple en France ». Cela dit, le livre d'Horry se veut une histoire mondiale de la nation. Alors la première des révolutions sur laquelle il insiste, c'est celle déjà citée des Pays-Bas. C'est d'ailleurs des Pays-Bas que vient la famille d'Orange, qui est amenée sur le trône diminué d'Angleterre par la révolution dite glorieuse de 1688. La troisième révolution qu'il considère, c'est évidemment l'américaine, fille de l'anglaise à sa manière. Ces trois révolutions, qu'il envisage comme un bloc, s'adossent à la théologie protestante. Ainsi, la déclaration d'indépendance américaine maintient le lien avec la religion en posant que tous les hommes sont créés égaux. En France, les hommes sont nés égaux. La différence est d'importance. On revient à la religion. La France est un pays catholique. Le catholicisme est un et universel. Un seul Dieu, une seule interprétation. Je voudrais insister sur le catholicisme gallican. Oui. Alors une grande majorité de Français ne sait plus ce que c'est. Mais on entend, fort heureusement, des leaders musulmans qui, eux, ont appris l'histoire nationale, reprocher au pouvoir actuel son gallicanisme quand ils cherchent à organiser l'islam de France. Alors, le gallicanisme, c'est une vieille pratique de la monarchie qui voulait que l'Église se fonde en elle. Et quand d'aventure, une autre religion était un moment tolérée, c'était encore le souverain qui l'organisait. Henri IV, après l'édit de Nantes, veut contrôler les académies protestantes qui forment les pasteurs. Et si on fouille au plus profond, on peut soutenir que plus tard, la Révolution a marché dans les pas des rois quand elle a décidé d'une constitution civile du clergé, c'était en 1791, et l'idée était que les curés et les évêques dans les départements étaient élus par, toujours lui, le peuple. La France n'a pas inventé la nation, mais tout de suite elle en a donné une interprétation radicale qui, pour elle, avait valeur d'exemplarité, valeur universelle, tiens, au fond, comme le catholicisme. Voilà, longtemps, notre idée de grande nation, on le sait, a attiré de nombreux patriotes étrangers, et on en est fiers. Mais attention, avertit Horry, elle est moins prégnante à mesure que décline l'influence culturelle de la France. On retrouve l'historien de la culture. Quand notre gouvernement la réveille, il doit s'attendre à des réactions contrastées dans le vaste monde. Qu'est-ce qu'une nation, Pascal Horry? C'est chez Gallimard, et Pascal Horry était l'invité du Grand Face à Face le week-end dernier. Ça se réécoute évidemment en podcast ou sur franceinter.fr.